Audiomatique. La transmission 237 d'Audiomatique s'ouvrait à vous avec la musique du projet allemand Console, mené par Martin Kretschmann, qui a fait partie du groupe The No Twist. De son album Rocket in the Pocket, nous entendions la pièce Gulls Galore. Audiomatique est une émission sonore et les sons peuvent provenir de toutes les sources. Synthétique, électrique, numérique, analogique, organique ou acoustique. Et la musique peut être de tous les styles, électronique, rock, pop, expérimental, classique, jazz, ou tout cela ensemble et même rien de cela. Peu importe, puisque ce qui importe à Audiomatique, c'est qu'il y ait des sons. Et pour amorcer la prochaine séquence musicale, les sons forment un ensemble sonore qu'on qualifie de free jazz. Voici Ornette Coleman. sunset. My plastic bag floating in your pool. And the fuel lights coughing blood. Back wheels spinning in the mud. I'm only halfway to the liquor store. Halfway to the liquor store. Bugs encrusted on my wipers. The moon just disappeared under the rock. And judgment day's 9 hours away or longer. No way Jesus saves me. Bye. Nous venons d'entendre The Tear Garden, formation essentiellement menée par Kevin Key et Edward K. Spell, respectivement membres des groupes Skinny Puppy et The Legendary Pink Dots. De l'album Have a Nice Trip de Tear Garden, nous entendions la pièce Made in China Part 1. Avant The Tear Garden, c'était Square Pusher et sa pièce Schism Track No. 1 tirée de l'album Selection 16 paru en 1999. Et pour débuter, c'était le jazzman Ornette Coleman et la pièce Civilization Day qu'on retrouve sur son album Science Fiction. Celui-ci est paru à l'origine en 1972. La suite à Audiomatique sera assurée, entre autres, par Peanut Butter Wolf. Here's a little story that must be told. I'm going to teach you to concentrate. Bring your attention to your hand hanging by your side. This is called being conscious of your hand. I want you to be very, very conscious of your hand. Party people, I want everybody to do me a favor. Throw both hands in the air like this. Both hands in the air like this. Everybody, everybody. Now I want everybody to look at their hands. Look at their hands, right? Come on. Like this. Clap your hands. Come on. Clap. Clap your hands. Come on, clap, clap your hands. Come on, clap, clap your hands. Come on, clap, clap your hands. Come on. And if your mind wanders off, bring your attention back to your hand. Be very, very aware of this hand. I just want to say there's a wonderful thing, what you're doing, you know? So the public can pick up on what's happening, like, you know? Straighten everybody out and let them know where this whole other scene is, where it's at. Okay, let's begin. Let's play. Il s'agissait à Audiomatic du trio japonais Dub Squad et leur composition Giant in the Dome de leur deuxième album Enemy or Friend, lancé en 1998. Mentionnons que Dub Squad nous est revenu avec un nouvel album en 2017 après 16 ans d'absence. Et pour débuter ce court bloc, l'artiste californien Peanut Butter Wolf nous présentait la pièce Tale of Five Cities, sur laquelle s'exécute aux tables tournantes A-Track, Cut Chemist, DJ Hands, DJ Quest, DJ Total Eclipse, DJ Z-Trip, J-Rock, Kid Koala, Rhythmatic, Rob Swift et Shortcut. La pièce Tale of Five Cities, qui comprend pas moins de 20 échantillonnages différents, apparaît sur l'album My Vinyl Weighs a Ton. À Audiomatic, allons-y maintenant avec une pièce de la formation Suicide. Doomsday, doomsday. Yeah. La formation australienne SPK concluait cette séquence musicale de deux pièces avec Wars of Islam, une composition apparaissant sur l'album Leichenschrei, paru en 1982. Avant SPK, nous entendions Rocket USA, composé par la formation Suicide et paru sur son premier album homonyme, sorti en 1977. Nous viendrons mettre un terme à cette transmission 237 d'Audiomatique avec le défunt groupe américain Wall of Voodoo qui a existé de 1977 à 1988. Nous vous offrirons la chanson Spy World, extraite de leur deuxième album intitulé Call of the West, qui est paru en 1982 et qui fut le dernier album auquel a participé le chanteur et fondateur du groupe, Stan Ridgway. Les sonoristes vous offriront la transmission 238 d'Audiomatique mercredi prochain dès 17h en direct du studio de C'est Fou 89.1 FM. D'ici là, n'oubliez pas de consulter nos profils mixcloud.com/audiomatique et facebook.com/audiomatique-CFOU pour accéder à nos archives. Voici donc Wall of Voodoo et la pièce Spy World. C'était Audiomatique avec les sonoristes. This is Monkey Wrench. Come in. Calling Bunny Hutch headquarters. Tell Spooky Greyhound to don't stop creeping that eye. Tell Mr. Negative to check on the shark face. Sunglasses.